fini par me dire que j'étais mort. Le Nord. Je finis par me dire que j'étais mort, que je ne pourrais jamais rejoindre le Nord, que je ne pourrais jamais rejoindre. Rejoindre ma belle.